Oui, j'ai la peau chocolat d'or, comme un péché de gourmandise. Parfum reflet d'Afrique du Nord, où je suis né quoi qu'on en dise. Son sable chaud s'écoule encore au sablier de ma poitrine, et je replante son décor dans mes errances citadines. J'ai cet accent sur mon passeport duquel résonnent mes voyelles. Avec ma gueule d'import-export, je veux chanter tout son soleil. Oui, mes racines à ciel ouvert ont parcouru le monde entier. Par des matins au goût amer, j'y ai parfois traîné les pieds. Toujours en quête de lumière, je viens chercher quelques sourires. Quand des regards tout de travers voudraient déjà me voir partir. J'ai là ma langue maternelle, calligraphiée sur tous mes gestes, avec ses lettres qui ruissellent d'orgueil et de beauté céleste. Oui, j'ai la peau chocolat d'or, comme un éclat de fruits confits. Il faut savoir faire cet effort, de l'accepter comme un défi. Je chante la langue de Prévert avec l'amour qu'elle me renvoie, et la rocaille du désert s'écoule encore dans ma voix. Chocolat d'or, mon enfant d'or, cette couleur je te la donne. Chocolat d'or, mon enfant d'or, cette douceur tu me la donnes.